Chapitre 2e. Madame Fitzgerald, veuve d'un conseiller d'État, avait été fort belle et l'était encore, bien qu'elle eût atteint 45 ans. Lorsqu'au premier soleil de mars ou d'avril, elle sortait de ses fourrures et daignait descendre le boulevard, de la rue de la Paix à la Madeleine, en compagnie de sa fille, les promeneurs, qui s'écartaient sur leur passage avec une déférence involontaire, pouvaient se faire une idée de l'élégance parisienne dans sa pureté suprême. La mère et la fille, quoique peu habituées à la marche, s'avançaient d'un pas ferme et sûr, fendant la foule avec une souveraine indifférence, et échangeant quelques paroles d'une voix brève et haute, comme si elles eussent été en tête-à-tête dans leur parc. Leur toilette, quoique merveilleusement assortie à leur âge, avait entre elles de secrets et charmants rappels. Leurs démarches se répondaient harmonieusement. Elles laissaient sur leur passage une odeur de fleurs de serre et semblaient purifier l'asphalte qu'elles foulaient. Les étrangères étudiaient d'un œil jaloux la mise, les mouvements, les allures royales de ces deux parisiennes parcourant leur empire et désespéraient avec raison de jamais les imiter. Quoique restée veuve de bonheur et dans tout l'éclat de sa beauté, Madame Fitzgerald était parvenue à doubler le cap de la maturité avec une réputation parfaitement nette. Sans être armée de principes très solides ni très élevés, elle avait au plus haut degré la religion des hermines et des femmes du monde, l'horreur des tâches. Elle appliquait à l'ordre moral les goûts et les répugnances qu'elle portait dans le soin physique de sa personne. Tout désordre, toute souillure révoltait ses instincts et ses habitudes. Le mal pour elle n'était pas seulement le mal, il était surtout l'inconvenance. S'il ne faut pas exagérer la valeur morale de cette manière de sentir, il ne faut pas en méconnaître ni la délicatesse ni la valeur pratique. Elle est l'unique sauvegarde de bien des femmes. C'est un charme qui ressemble à la vertu. Un oncle de son mari, le comte Patrice Fitzgerald, s'était dévoué au service de la jeune veuve avec une courtoisie chevaleresque et s'était fait son guide et son protecteur dans le monde jusqu'au jour où elle put présenter sa fille. À dater de ce moment, le comte Patrice rentre avec bonheur dans son château de Fresnes, et sa nièce prit l'habitude d'y venir passer avec lui quelques mois de l'été. Ce fut là que Madame Fitzgerald reçut, par une belle matinée de juillet, l'intéressante communication que la marquise de la Veille lui avait déjà fait pressentir par une mystérieuse missive. Cette ouverture matrimoniale fut accueillie avec un enthousiasme à peine dissimulé par la réserve que commandait la circonstance. Madame Fitzgerald essaya de murmurer que sa fille était bien jeune encore, qu'elle avait à peine 19 ans, qu'elle était d'ailleurs fort recherchée et en situation de faire son choix à loisir. Puis finalement, oubliant toute bienséance dans son élan maternel, elle sauta au cou de sa vieille amie et fondit en larmes. Lionel de Rias était en effet, par son nom, sa fortune, son mérite et ses agréments personnels, un de ces gendres que les mères se plaisent à évoquer dans leurs rêves. Le comte Patrice fut naturellement appelé au conseil et ne se montra pas moins sympathique à ce projet d'alliance. On prit quelques jours pour en causer à l'aise et pour traiter toutes les questions de convenance et d'intérêt. La marquise était installée dans une agréable maison de campagne qu'on appelait le pavillon et qui appartenait aux frères de sa belle-fille. Le pavillon n'étant situé qu'à 2 ou 3 kilomètres de Fresnes, on put, grâce aux faciles relations de voisinage, multiplier les conférences intimes sur ce sujet délicat, sans éveiller la curiosité de Mademoiselle Marie Fitzgerald et sans intéresser sa sensibilité. Elle pouvait ne pas plaire à Lionel. Et Lionel pouvait ne pas lui plaire. Il était donc de la dernière importance de lui épargner des agitations prématurées et toujours peu convenables chez une jeune personne. Pendant que les grands-parents se livraient à leur pourparler, la jeune madame de Loris était chargée d'amuser Mademoiselle Marie, et elle s'acquittait de sa tâche en conscience, trop sage et trop discrète elle-même pour trahir les secrets de l'école. On avait gagné ainsi le jour fixé pour la première entrevue des deux jeunes gens, avec l'heureuse certitude que Mademoiselle Marie affronterait cette épreuve dans la plus entière liberté de cœur et d'esprit. On ne négligea du reste aucune précaution pour ôter à cette entrevue toute apparence officielle et pour lui donner le caractère d'une improvisation soudaine du hasard. Bien que l'arrivée de M. de Rias chez sa marraine, parmi beaucoup d'autres allant et venant, n'eût rien que de fort naturel, les billets suivants, convenus à l'avance, furent échangés entre le pavillon et le château de Fresnes dans la matinée de ce jour solennel. Madame de la Veil à Madame Fitzgerald. Ma chère Clarisse, ne comptez plus sur nous aujourd'hui pour dîner. Il m'arrive du monde par le train. Ce sont des gens fort aimables, assurément, mais qui auraient pu mieux choisir leur jour et surtout me prévenir. Je déteste les surprises les plus agréables. Regret tendre, ma belle. Madame Fitzgerald à Madame de la Veil. Amenez-moi, cher ami, vos gens fort aimables. Dites-moi seulement le chiffre à cause de mon couvert. Je vous embrasse, mon ami. Madame de la Veil à Madame Fitzgerald. Ma belle amie, mes gens aimables ne sont qu'un. C'est mon filleul Lionel de Rias. Mais enfin, je ne puis le laisser dîner seul et je ne puis vous l'amener. Il ne vient que pour un jour et il n'a pas apporté d'habit. Affectueux désespoir. Madame Fitzgerald à Madame de la Veil. Cher ami, amenez M. de Rias comme il est. Mon oncle restera en jaquette pour le mettre à l'aise. Venez de bonne heure, nous ferons une promenade. Yours forever. Madame de la Veil à Madame Fitzgerald. C'est donc entendu, ma belle. Nous vous arriverons dès 3 heures, le général Louise et moi. Quant à M. de Rias, il a quelques visites à faire dans les environs. Il viendra nous rejoindre vers 6 heures sur un des chevaux du général. Madame Fitzgerald eut grand soin de communiquer successivement à sa fille chaque pièce de cette astucieuse correspondance, et elle n'eut qu'à se féliciter de la parfaite indifférence avec laquelle Mademoiselle Marie en suivit les diverses péripéties. Cependant, vers 5h30 du soir, une jeune fille se promenait solitairement sur la terrasse d'un parc qui domine la route de Melun à Fontainebleau. De temps à autre, elle interrompait sa marche légère et rapide, semblait écouter quelques bruits lointains et se penchait vers le chemin par une des arcades ouvertes dans l'épais rideau de charmille qui bordait la terrasse. Puis elle reprenait sa promenade cadencée du pas glissant d'une femme qui va s'enlever pour la valse. Comme elle venait de hasarder un nouveau regard furtif à travers une des arches de verdure, elle rejeta brusquement en arrière son buste ployant et murmura quelques mots entre ses lèvres entrouvertes par un vague sourire. On entendait nettement sur la terre sèche de la route le pas souple et relevé d'un cheval qui devait être un cheval de race et qui ne pouvait porter qu'un cavalier de distinction. La jeune fille souriait toujours. Elle se mit hors de vue et le sein palpitant, elle se ménagea, en écartant légèrement le feuillage dans l'épaisseur de la charmille, un petit observatoire. Le cavalier passa. Elle le regardait avec un intérêt si vif que sa respiration en était suspendue. M. de Rias lui apparut alors avec sa tranquille élégance, sa grâce virile, ses traits fins et fiers, un peu pâlis en ce moment par l'émotion. Quand il eut passé, elle soupira longuement en comprimant d'une main son cœur agité. Elle fixa un instant dans le vide ses yeux bleus rayonnants, puis, les abaissant lentement vers le sol, elle dit à demi-voix « Mon mari ». Sur ce mot, son visage se teignit de pourpre. Elle le couvrit de ses deux mains et demeura ainsi quelques minutes immobile, pareille à une statue de la pudeur, après quoi Mademoiselle Fitzgerald reprit d'un pied leste le chemin du château. On l'y attendait avec une extrême impatience, car déjà M. de Rias avait fait son entrée dans la cour, au grand désespoir de la vieille marquise. « Mais où est donc Marie ? » demanda-t-elle à Madame Fitzgerald, postée à ses côtés dans l'embrasure d'une des fenêtres du salon. « Lionel est très bien à cheval. J'avais arrangé les choses pour qu'elle le vît d'abord dans toute sa gloire, car la première impression est capitale. Le voilà qui arrive et cette petite fille n'est pas là. C'est une vraie mésaventure. Ma chère marquise, répondit Madame Fitzgerald, vous savez qu'avant tout nous avons voulu que Marie ne pût concevoir aucun soupçon. D'ailleurs, votre filleul me paraît aussi bien à pied qu'à cheval, il n'y a donc rien de perdu. Quand Mademoiselle Marie voulut bien paraître dans le salon de famille, quelques minutes avant le dîner, elle y trouva M. de Rias déjà acclimaté et en possession manifeste des bonnes grâces de Madame Fitzgerald et de celle du comte Patrice. Il lui fut aussitôt présenté, et elle répondit au profond salut du jeune homme par une révérence imperceptible et distraite jusqu'à l'impertinence. Lionel, un peu étonné parce qu'il était généralement mieux traité des dames sur sa mine, se mit à chercher en lui-même la cause de ce froid accueil. À force de se creuser l'esprit, il s'imagina l'avoir découverte. Madame de la Veille lui avait soumis sa correspondance diplomatique du matin avec Madame Fitzgerald, et bien qu'en approuvant l'esprit général, il avait jugé passablement malheureux le détail relatif à son habit. Il pensa que Mademoiselle Fitzgerald, très experte en fait de bienséance sociale, en avait été choquée elle-même, et que l'idée d'un homme qui courait les châteaux sans habit lui avait paru à juste titre assez ridicule. Cette chimère était, comme on voit, une vraie puérilité d'amoureux. Lionel l'était-il donc déjà ? En réalité, il l'était avant même d'avoir aperçu Mademoiselle Fitzgerald, car si l'inconnu du mariage éveille chez les hommes de l'âge de M. Rias de secrètes épouvantes, il y a du moins dans cet inconnu un point lumineux, une perspective nouvelle et certaine qui les attire et les charme puissamment. C'est l'émotion d'une sorte d'amour et, si l'on ose dire, de volupté que leur vie passée, si riche qu'elle ait été en sensations de ce genre, n'a pu leur faire connaître. C'est le mirage d'une source pure, où leurs cœurs fatigués et leurs sens blasés vont se retremper et se rajeunir comme dans une fraîche rosée. C'est enfin l'image idéale de cette jeune créature immaculée, comme le marbre de Pygmalion, et dont le sein vierge leur réserve ses premières rougeurs. Vivement épris depuis quelque temps de cette aimable vision, M. de Rias n'eut pas de peine à s'éprendre de Mademoiselle Fitzgerald, qui lui en parut être l'incarnation très agréable. Elle était effectivement très jolie et très gracieuse, souple et ondoyante, avec un air de nymphe un peu farouche et de magnifiques yeux bleus sous des sourcils bruns. Lionel trouva seulement que le marbre ne s'animait pas à son contact avec toute la soudaineté qu'il avait rêvée. La contenance de Mademoiselle Marie pendant le dîner acheva de le mortifier. Il eût été le curé de la paroisse qu'elle n'eût pas semblé plus indifférente à sa présence. Elle se montra tranquille et distraite, plaisantant par intervalles avec sa cousine Doloris sur un ton d'enjouement paisible, et répondant aux questions de Lionel avec une insouciante politesse. Cette attitude finit par alarmer la vieille marquise elle-même, si versée qu'elle fût dans toutes les ruses de son sexe. Au sortir de table, elle prit sa belle-fille à part. « Ma mignonne, lui dit-elle, tout va bien d'un côté. Lionel est évidemment sous le charme, mais cette petite fille m'inquiète. Tâche donc de savoir ce qu'elle pense, sans en avoir l'air, bien entendu. » Le moment d'après, on voyait les deux jeunes cousines courir et se poursuivre comme deux pensionnaires à travers les parterres qui ornaient la cour devant la façade du château. Tout à coup, Madame de Loris, s'approchant tout essoufflée d'une des fenêtres ouvertes, se pencha dans le salon et fit un signe à sa belle-mère. « Maman, lui dit-elle, rassurez-vous. Elle ne m'a rien dit, mais je suis sûre qu'elle a tout deviné et qu'il lui plaît car elle m'embrasse à tout instant. » Cependant, le train de Paris passait à 9 heures et Lionel Devant, pour rester fidèle au programme, repartir le soir même, se disposa à regagner le pavillon qui n'était qu'à quelques pas de la gare. On lui amena son cheval dans la cour. C'était un arabe un peu vif qui fit quelques façons et quelques coquetteries en balayant le sable de ses longs crins flottants. Mademoiselle Marie paraissait le connaître, car elle l'appela par son nom, Sahib, le calma de la voix et de la main, et le régala de feuillage. Elle finit même par lui servir une grosse rose qu'elle enleva en riant du corsage de Madame de Loris. Ses attentions, très goûtées du cheval, le furent encore plus du cavalier.